Mais le drame des Africains, c'est de continuer à attendre, voir ce que la France va faire. Mais de 2007 à 2022, la France a fait la même chose. C'est-à-dire, aucune juridiction, aucun degré de juridiction n'est revenu sur la décision du 27 octobre 2017. Donc, attendre que des événements se passent pour que la Guinée équatoriale prenne ses responsabilités, c'est encore une autre honte pour l'Afrique. La France a réussi sur le plan de droit à happer un bien de la Guinée équatoriale en plein jour. Cela ne s'est pas fait de nuit et cela date de plus de 15 ans. C'est quand même de 2008 à 2022. Donc nous disons sur le plateau d'Afrique Média qu'il est incongru pour la Guinée équatoriale d'attendre ce que la France va faire. Mais elle va faire ce qu'elle a continué à faire de 2008 à 2022. Afrique Média, le monde, c'est nous.